إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. Nous poursuivons l'étude du livre sur les prosternations de la distraction de l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons expliqué l'introduction de cette épître. Et dès aujourd'hui, nous allons rentrer dans la première cause des prosternations de distraction. L'auteur nous dit, rahmahullah, chapitre 1, l'ajout. Si le prieur ajoute volontairement une inclinaison, une prosternation, une position assise, ou le fait de se mettre debout, sa prière est alors invalide. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit que celui qui ajoute quelque chose dans la prière volontairement n'est pas concerné par les prosternations de distraction. Car celui qui ajoute une action de la prière volontairement, telles que l'inclinaison, la prosternation, la position assise ou se mettre debout, sa prière sera invalide et devra recommencer sa prière de nouveau. Ensuite, il dit, si l'ajout est involontaire et que le prieur ne se rend compte qu'après avoir terminé la prière, il doit alors faire les prosternations de la distraction et sa prière devient valide. Par contre, s'il se rappelle de l'ajout pendant celui-ci, il doit d'une part revenir et délaisser cet ajout, d'autre part faire les prosternations de la distraction, sa prière sera alors valide. Ici l'auteur, rahmahullah, mentionne un autre cas. Et c'est lorsque le prieur ajoute un acte de la prière involontairement. Dans cette situation, il y a deux cas de figure. Le premier est qu'il se rende compte après la prière. Dans ce cas, il doit tout simplement accomplir les prosternations de distraction. S'il n'est plus en direction de la Qibla, il se remet vers elle, et accomplit les prosternations de distraction. Le deuxième cas est qu'il s'en rend compte pendant la prière. Dans ce cas, il doit revenir. Dès qu'il se rend compte de l'ajout, s'il peut revenir. Et s'il ne peut pas revenir, il doit continuer sa prière. Toutefois, il devra accomplir les prosternations de distraction dans les deux cas. Et pour mieux comprendre, nous allons donner quelques exemples, car comme il fut dit, avec l'exemple, ce qu'on dit devient plus clair. Imaginons que Zayd prit le Isha et après avoir effectué le dernier tashahhud, il se lève pour une cinquième unité. Et alors qu'il récite Surat al-Fatiha, il se rend compte qu'il est en train de rajouter une cinquième unité. Ici, Zayd est dans l'obligation de s'asseoir et de revenir en position du tashahhud. Dans le cas où il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du tashahhud avant de se lever pour la cinquième unité, il devra juste saluer, puis accomplir les deux prosternations de distraction et saluer de nouveau. Et s'il n'a pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant son ajout, il devra prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, saluer, accomplir les prosternations de distraction et saluer de nouveau. Et quelqu'un pourrait se demander, dans cette situation, qu'en est-il si Zayd continue la prière après s'être rendu compte qu'il est en train de rajouter une cinquième unité? La réponse est que sa prière est invalide, car il aura rajouté plusieurs actions de la prière volontairement. Et celui qui rajoute un acte de la prière volontairement, sa prière devient invalide, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah, au début de ce chapitre. Le deuxième exemple, Khalid prit le Fajr. Et lors de la première unité, il rajoute une troisième prosternation et s'en rend compte lors de celle-ci. Dans ce cas, il doit se lever directement pour la deuxième unité et il devra accomplir les prosternations de distraction à la fin de la prière. Le troisième et dernier exemple, imaginons que Amr prit le Asr et rajoute une inclinaison à la première unité. Toutefois, il s'en rend compte lorsqu'il est à la troisième unité. Dans ce cas, il continue sa prière et accomplit les prosternations de distraction à la fin de celle-ci. Maintenant, nous allons passer aux exemples que l'auteur a mentionnés. Il dit, rahimahullah, exemple, une personne prie Dhuhr en cinq unités et ne se rend compte qu'au moment du tashahhud. Elle doit alors terminer son tashahhud, saluer, puis elle doit faire les prosternations de la distraction et de nouveau saluer. Dans cette situation, le prieur ne peut pas revenir, car même s'il a rajouté une unité, il se trouve à la fin de celle-ci. Par conséquent, il doit terminer son tashahhud, saluer, accomplir les prosternations de distraction et saluer de nouveau. Ensuite, il dit, rahimahullah, si elle ne se rend compte de l'ajout qu'après la salutation, elle doit alors effectuer les deux prosternations de la distraction et saluer. Ici, elle n'aura qu'à accomplir les prosternations de distraction, car la prière est terminée. Par conséquent, elle devra se mettre en direction de la Qibla, accomplir les prosternations de l'oubli et saluer. Ensuite, l'auteur nous dit, si elle s'en rend compte durant la cinquième unité, elle doit tout de suite s'asseoir pour réciter le tashahhud, saluer, puis faire les deux prosternations de la distraction et saluer de nouveau. Naam, car si elle continue, après s'être rendu compte de l'ajout, sa prière sera invalide. Ensuite, l'auteur nous dit, la preuve, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli la prière du Dhuhr en cinq unités. On lui dit alors, y a-t-il un ajout dans la prière? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit non. Pourquoi? Les compagnons répondirent, tu as prié cinq unités. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit deux prosternations. Dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam replia ses jambes, s'orienta en direction de la Qibla, effectua deux prosternations, puis salua. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, cite une preuve de la sunna pour appuyer ses dires. Et ceci est un procédé connu des gens de la sunna. En effet, celui qui a l'habitude de lire les livres des gens de la sunna, ou qui a l'habitude d'écouter les savants et prêcheurs salafis, remarquera qu'ils mentionnent des preuves du Coran et de la sunna pour appuyer leur dire. Prenons l'exemple des livres de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans tous ces livres, on retrouve souvent les phrases suivantes. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah. Ou encore la preuve de cela réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous indique clairement que lorsque les gens de la sunna parlent dans la religion, ils se basent sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non sur leur raison. Leur prêche part du Coran et de la sunna. Et s'arrête au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire des gens de l'innovation, qui pour certains ne se basent pas sur le Coran et la sunna. Tandis que d'autres utilise les textes à mauvais escient. Ne voyez-vous pas que la secte des Khawarij prenne certains versets du Coran ainsi que certains hadiths comme preuve pour rendre les musulmans qui font des grands péchés mécréants, comme le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Selon eux, ce hadith est une preuve que le fornicateur est mécréant, ainsi que toute personne ayant commis un grand péché, alors que ce n'est pas le cas. Car ce qui est voulu par la foi dans ce hadith est la foi complète, c'est-à-dire que le fornicateur n'a pas la foi complète au moment où il fornique. Car s'il aurait eu la foi complète, il ne serait pas tombé dans la fornication. Ne voyez-vous pas que la secte des soufis extrémistes se servent de certains versets pour affirmer qu'il y a un degré du nom de la certitude et que lorsque le serviteur atteint ce degré, il n'est plus dans l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et il lui est même permis de lui désobéir et de sortir de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi leurs preuves, nous retrouvons le verset 99 de sourate Al-Hijr lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Alors que ce qui est voulu par la certitude dans ce verset est la mort. C'est-à-dire, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Ne voyez-vous pas que certaines sectes se basent sur certains versets du Coran pour renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore pour leur donner une interprétation erronée? Car selon eux, affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, parle en temps et autre, revient à le faire ressembler à ses créatures. Par exemple, ils se servent du verset 11 de sourate La Concertation, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » « Rien ne lui est semblable. » Il est celui qui entend et voit tout. Alors que ce verset est une preuve contre eux et non pour eux. C'est pour cela que l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans le tafsir de ce verset, je cite, « Ce verset est un argument justifiant la voie empruntée par les gens de la Sunna concernant l'affirmation des attributs d'Allah et la négation de toute ressemblance entre les créatures et le Créateur. » Fin de citation. Tandis que les gens de la Sunna utilisent les textes du Coran et de la Sunna à bon escient. Et le fait que les savants mentionnent souvent les preuves du Coran et de la Sunna pour appuyer leur dire nous montre qu'il incombe à celui qui parle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de mentionner des preuves. C'est pour cela que l'éminent savant Ibn al-Qayyim a dit « La science est, Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, voilà ceux qui possèdent la science. » Passons maintenant au hadith que l'auteur a mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière du Dhuhr en 5 unités. On lui dit alors, y a-t-il un ajout dans la prière? Ici, quelqu'un pourrait se demander, pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rajoutait une unité? Car dans cette situation, les fidèles doivent prévenir l'imam en disant « Subhanallah » pour que l'imam se rende compte qu'il a rajouté une unité. La réponse à cette question est qu'ils n'ont rien dit, car à cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait encore la révélation. Par conséquent, ils ont cru que la prière fut augmentée. D'où la parole « Y a-t-il un ajout dans la prière ?» Surtout que le nombre d'unités fut augmenté à une période. Car comme vous le savez, à la Mecque, le nombre d'unités de prière était de 2, en dehors de la prière du Maghreb. Et à Médine, le nombre de prières fut augmenté au nombre qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Non, pourquoi ?» Les compagnons répondirent « Tu as prié 5 unités. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit 2 prosternations. Dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam replia ses jambes, s'orienta en direction de la Qibla, effectua 2 prosternations puis salua. Les savants ont tiré du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est orienté en direction de la Qibla la recommandation de s'orienter vers celle-ci pour les prosternations de la distraction, de remerciement et de récitation. Avec ce hadith, l'auteur finit la mention de la première cause des prosternations de la distraction. Et cette épître, comme vous avez pu le constater et résumer, de ce fait, l'auteur s'est contenté de mentionner les sujets principaux. Ainsi, nous allons voir d'autres points que le Cheikh rahimahullah n'a pas cités. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous accorder la sincérité. Le premier point que nous allons aborder est le jugement de rajouter des actions de la prière à des moments où l'on doit faire autre chose. Imaginons que Bakr est dans la première unité de la prière du Fajr. Et pendant qu'il lit la Fatiha, il lève les mains, comme lorsqu'on fait le takbir. Puis il se rend compte que ce n'est pas le moment et continue sa prière. Doit-il faire les prosternations de la distraction suite à cet ajout? La réponse est non. Il n'y a pas de prosternation de distraction à accomplir. Et quelqu'un pourrait se demander, qu'en est-il alors des actes qui ne font pas partie de la prière? Car parfois nous remarquons que certains prières se touchent la barbe. Pourtant, ceci ne fait pas partie des gestes de la prière. Tandis que d'autres, qu'Allah nous réforme, vous regardez leur montre. Donc quel est le jugement de ces gestes qui ne font pas partie de la prière? Il faut savoir que les gestes qui ne font pas partie de la prière sont de quatre catégories. La première catégorie, ceux qui sont obligatoires, comme celui qui ne prie pas en direction de la Qibla et à qui on dit où elle se trouve. Dans ce cas, il est dans l'obligation de bouger pour faire face à la Qibla. Car s'il prie hors de la direction de la Qibla, alors qu'il savait où était la bonne direction, sa prière sera certes invalide. La deuxième catégorie sont les gestes recommandés, comme le fait d'avancer pour remplir le rang de devant. La troisième catégorie, les gestes qui sont détestables. Ils consistent à bouger sans nécessité, faire des gestes sans nécessité, comme le fait de toucher sa barbe pendant la prière ou regarder sa montre. La quatrième catégorie, ceux qui sont interdits. Et ils consistent à faire beaucoup de gestes sans nécessité. Toutefois, il n'y a pas de prosternation de distraction à accomplir, que ce soit pour la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième catégorie. Ensuite, nous allons voir le jugement de rajouter des paroles qui font partie de la prière. Comme par exemple, dire « Subhana Rabbi al-Azim » après la Fatiha, ou encore de le dire pendant la prosternation, puis de se reprendre et dire « Subhana Rabbi al-A'la ». Faut-il accomplir les prosternations de la distraction dans ce genre de situation? La réponse est non. Si le prieur le fait par oubli, il n'aura rien à faire à la fin de la prière. Et ce jugement concerne les paroles qui font partie de la prière. Quant aux paroles qui ne font pas partie de la prière, dans le cas où le prieur les prononce, par ignorance ou par oubli, il n'aura pas de prosternation, de distraction à accomplir. Et sa prière sera valide. Et la preuve de cela réside dans le hadith que rapporte l'imam Muslim. D'après Muawiyah ibn al-Hakam, As-Sulami, qu'Allah l'agrée. Il dit, tandis que je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des fidèles éternua. Je dis alors, qu'Allah te fasse miséricorde. Les gens me lancèrent des regards et je m'exclamais, que ma mère me perde, qu'avez-vous à me regarder? Ils se mirent alors à frapper des mains sur leurs cuisses. Je compris qu'il voulait me faire taire et je me tus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acheva la prière. Et je n'ai jamais vu d'enseignant avant ou après lui donner de meilleurs enseignements. Par Allah, il ne me réprimanda point, ni ne me frappa, ni ne m'insulta. Il dit, durant cette prière, aucune parole d'homme ne convient, mais bien la glorification, le takbir et la récitation du Coran. Et le point important à retenir dans ce hadith, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, qu'Allah l'agrée, de recommencer la prière ou encore d'accomplir les prosternations de la distraction, malgré qu'il ait parlé dans la prière, ce qui montre que la parole prononcée par ignorance ou par oubli n'invalide pas la prière. Toutefois, si elle est prononcée volontairement, la prière sera invalide.